10.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Vous entendrez le dialogue une fois, puis vous entendrez ce que dit le deuxième personnage trois fois, puis vous entendrez ce que dit le premier personnage, et vous jouerez le rôle du deuxième. 1. Écoutez. Tu nous embêtes. Mais je veux savoir qui c'est. Mais je veux savoir qui c'est. Mais je veux savoir qui c'est. Mais je veux savoir qui c'est. C'est à vous. Tu nous embêtes. 2. Écoutez. On continue? Oh, ça suffit comme ça. Oh, ça suffit comme ça. Oh, ça suffit comme ça. Oh, ça suffit comme ça. C'est à vous. On continue? 3. Écoutez. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. C'est à vous. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. 4. Écoutez. Ce soir, on joue le génie de Claire. Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, tu ne sais pas lire? Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, tu ne sais pas lire? Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, tu ne sais pas lire? Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, tu ne sais pas lire? C'est à vous. Ce soir, on joue le génie de Claire.